Chapitre 4. L'ours. Une pluie dense était tombée en même temps que le soir. Elle grésillait sur la charpente métallique en treillis, haute de 50 mètres, du hangar à dirigeable. Hissée sur un plateau voisin, cette base était la plus moderne de la vallée. Spécialement conçue pour accueillir les longs courriers, elle bénéficiait d'un chauffage à la vapeur et disposait de sa propre usine à hydrogène. Ses immenses portes sur rails étaient grandes ouvertes, laissant voir des entrailles de fer forgé, de briques et de câbles, où s'activaient de nombreux ouvriers en gabardine. Au dehors, le long du quai aux marchandises, quelques lampadaires crachaient une lumière brouillée par l'humidité. Trempé jusqu'aux os, un gardien vérifiait les bâches de protection sur les caisses postales en attente d'embarquement. Il tiqua quand il tomba sur une forêt de parapluies en plein milieu du quai. Sous les parapluies se tenaient des hommes en redingote, des femmes en guirlandais et des mômes soigneusement peignés. Ils restaient tous là, silencieux et impassibles, à scruter les nuages. « Excusez donc, mes bons cousins, on peut être utile à quelque chose ?» demanda-t-il. La mère d'Ophélie, dont le parapluie rouge dominait tous les autres, pointa l'horloge sur pied autour de laquelle ils avaient planté leur camp. Tout était énorme chez cette femme, sa robe à tournure, sa gorge de grenouille, son chignon en choucroute et, dominant le tout, son chapeau à plumes. « Dites-moi déjà si cette heure-ci est la bonne. Voilà bien une quarantaine de minutes que nous guettons le dirigeable en provenance du pôle. » « En retard, comme à son habitude. » La renseigna le gardien avec un bon sourire. « Vous attendez une livraison de fourrure ?»« Non, fils, nous attendons un visiteur. » Le gardien loucha sur le nez en bec de corbeau qui venait de lui répondre. Ce nez appartenait à une dame d'un âge extrêmement avancé. Elle était tout de noir vêtue, depuis la mantille qui bordait ses cheveux blancs jusqu'au taffetas de sa robe à plastron. Les élégantes passementeries en argent de sa toilette témoignaient de son statut de doyenne, mère parmi les mères. Le gardien ôta sa casquette en signe de respect. « Un envoyé du pôle, chère mère? Vous êtes certaine qu'il n'y a pas mépris sur la personne? Je travaille sur les quais depuis que je suis gamin, et je n'ai jamais vu un homme du Nord se traîner jusqu'ici pour autre chose que les affaires. Ils ne se mêlent pas à n'importe qui, ces gens-là. » Il pinça sa casquette pour les saluer et s'en retourna à ses caisses. Ophélie le suivit des yeux, maussade, puis reporta son regard sur ses bottillons. À quoi bon en avoir mis une paire toute neuve? Ils étaient déjà barbouillés de boue. « Redresse le menton et évite de prendre l'eau !» lui souffla Agathe avec qui elle partageait un parapluie jaune citron. « Et puis souris, tu es morose à pleurer. Ce n'est pas avec une gâte joie pareille que M. Thorne grimpera au rideau. » Sa sœur ne lui avait pas pardonné son escapade à travers le miroir. Ça se sentait dans sa voix, mais Ophélie l'écoutait à peine. Elle se concentrait sur le crépitement de la pluie qui recouvrait les battements affolés de sa poitrine. « C'est bon, pourquoi tu la laisses pas respirer ?» s'agaça Hector. Ophélie décocha un regard reconnaissant à son frère, mais il était déjà occupé à sauter dans les flaques avec ses petites sœurs, ses cousins et ses cousines. Ils incarnaient l'enfance qu'elle aurait voulu revivre une dernière fois ce soir. Pleins d'insouciance, ils étaient tous venus assister non pas à l'arrivée du fiancé, mais à celle du dirigeable. C'était un spectacle rare pour eux, une véritable fête. « C'est Agathe qui a raison !» déclara la mère sous son énorme parapluie rouge. « Ma fille respirera quand on le lui dira, et de la façon qu'on lui dira. N'est-ce pas, mon ami ?» La question purement protocolaire était réservée au père d'Ophélie, qui balbutia une vague formule d'assentiment. Ce pauvre homme, dégarni et grisonnant, vieilli prématurément, était concassé par l'autorité de sa femme. Ophélie ne se rappelait pas l'avoir déjà entendu répondre non. Elle chercha des yeux son vieux parrain parmi la foule d'oncles, de tantes, de cousins et de neveux. Elle le trouva, qui boudait à l'écart des parapluies, engoncé jusqu'aux moustaches dans son imperméable bleu marine. Elle n'attendait de lui aucun miracle, mais le signe sympathique qu'il lui adressa de loin lui fit du bien. Ophélie avait de la vase dans la tête et de la confiture à la place du ventre. Son cœur cognait au fond de sa gorge. Elle aurait voulu que cette attente sous la pluie ne connût jamais de terme. Des exclamations alentour lui firent l'effet de coups de poignard. « Là, c'est lui !»« Pas trop tôt !» Ophélie leva les yeux vers les nuages, l'estomac noué. Une masse sombre en silhouette de baleine perçait la brume et se détachait sur la toile de la nuit en émettant des craquements sinistres. Le ronronnement des hélices devint assourdissant. Les enfants hurlèrent de joie. Les jupons de dentelle se soulevèrent, le parapluie jaune citron d'Ophélie et Agathe s'envola dans le ciel. Parvenu au-dessus de la piste d'atterrissage, le dirigeable largua ses cordes. Les ouvriers s'en emparèrent et tirèrent dessus de tout leur poids pour permettre à l'aérostat de descendre. Ils se cramponnèrent par dizaines aux rails de guidage manuel, l'aidèrent à s'engouffrer dans le grand hangar et l'amarrèrent au sol. On aménagea une passerelle pour le débarquement. Portant des caisses et des sacs postaux à bras-le-corps, les membres de l'équipage débarquèrent. Toute la famille se pressa devant le hangar comme un essaim de mouches. Seule Ophélie était restée en arrière, ruisselante sous la pluie froide, ses longs cheveux bruns plaqués sur les joues. L'eau dégoulinait à la surface de ses lunettes. Elle ne voyait plus devant elle qu'une masse informe de robes, de jaquettes et de parapluies. Par-dessus le brouhaha, la voix surpuissante de sa mère dominait. « Mais laissez-le passer, vous autres, faites place, mon cher, mon très cher monsieur Thorne, soyez le bienvenu sur Anima. Comment donc? Vous êtes venu sans escorte, par les ancêtres. Ophélie! Où a-t-elle encore filé cette tête de lune? Agathe, décote-nous vite ta sœur. Quel temps infect, mon pauvre ami! Vous seriez arrivé une heure plus tôt, nous vous aurions accueilli sans cette flotte. Que quelqu'un lui donne un parapluie !» Clouée sur place, Ophélie était incapable de bouger. Il était là. L'homme qui était sur le point de déstructurer sa vie était là. Elle ne voulait ni le voir, ni lui parler. Agathe lui attrapa le poignet et lui fit traverser la famille en la traînant à sa suite. Enivrée de bruits et de pluie à demi-consciente, Ophélie passa de visage en visage jusqu'à tomber sur le poitrail d'un ours polaire. Hébétée, elle ne réagit pas quand l'ours marmonna un « bonsoir ». Glacé, tout là-haut, loin au-dessus de sa tête. « Les présentations sont faites !» s'époumona sa mère au milieu des applaudissements polis. « À vos fiacres, il ne s'agit pas non plus d'attraper la mort !» Ophélie se laissa pousser à l'intérieur d'un véhicule. Le fouet claqua l'air. Les chaos secouèrent l'équipage. On alluma un lampion qui projeta une lueur roussâtre sur les passagers. L'averse semblait battre la chamade sur les carreaux. Coincée contre la portière, Ophélie se concentra sur cette pulsation d'eau, le temps de recouvrer ses esprits et de sortir de sa torpeur. Elle réalisa peu à peu qu'on parlait avec animation autour d'elle. C'était sa mère qui faisait la conversation pour 10. L'ours était-il là, lui aussi? Ophélie remonta ses lunettes mouchetées de gouttes de pluie. Elle vit d'abord l'énorme chignon en choucroute de sa mère qui l'écrasait sur la banquette du fiacre, puis le nez de corbeau de la doyenne juste devant elle, et enfin, de l'autre côté, l'ours. Il regardait obstinément par la vitre de la portière, répondant de temps à autre au babillage de la mère par un laconique hochement de tête, sans prendre la peine d'échanger un regard avec personne. Soulagée de ne pas être dans sa ligne de mire, Ophélie se prêta à un examen plus attentif de son fiancé. Contrairement à sa première impression, Thorne n'était pas un ours, même s'il en avait l'apparence. Une ample fourrure blanche, hérissée de crocs et de griffes, lui couvrait les épaules. Il n'était pas tellement corpulent, en fait. Ses bras croisés sur sa poitrine étaient aussi effilés que des épées. En revanche, tout étroit qu'il était, cet homme avait une stature de géant. Son crâne s'appuyait contre le plafond du fiacre et l'obligeait à ployer le cou. Plus haut perché encore que le cousin Bertrand, et ce n'était pas peu dire. « Par les ancêtres, s'ébahit Ophélie, ce sera mon époux, tout ça ?» Thorne portait sur les genoux une jolie valise tapissée qui jurait avec ses vêtements en peau de fauve et lui conférait une petite touche de civilisation. Ophélie l'observait à la dérobée. Elle n'osait pas le dévisager avec insistance, de peur qu'il ne sentît cette attention et ne se retournât brusquement vers elle. En deux coups d'œil brefs, toutefois, elle se fit une idée de sa figure et ce qu'elle en entrevit lui donna la chair de poule. La prunelle pâle, le nez tranchant, le crin clair, une balafre en travers de la tempe, ce profil tout entier était imprégné de mépris. Un mépris qui s'adressait à elle et à toute sa famille. Interloquée, Ophélie comprit que cet homme se mariait à contre-cœur, lui aussi. « J'ai un présent pour Madame Artémis. » Ophélie tressaillit. Sa mère se tut, brusquement. Même la doyenne qui s'était endormie ouvrit les yeux à demi. Thorn avait articulé cette phrase du bout des lèvres, comme si leur parler lui coûtait. Il prononçait chaque consonne avec dureté. C'était l'accent du Nord. « Un présent pour Artémis, » bégaya la mère, décontenancée. « Mais certainement, monsieur. » se ressaisit-elle. « Ce sera un insigne honneur de vous introduire auprès de notre esprit de famille. Vous connaissez probablement son observatoire de réputation, n'est-ce pas? S'il n'y a que cela pour vous être agréable, je vous propose de nous y rendre dès demain. »« Maintenant. » La réponse de Thorn avait claqué aussi sèchement que le fouet du cocher. La mère devint blême. « C'est-à-dire, monsieur Thorn, qu'il serait mal perçu de déranger Artémis ce soir. Elle ne reçoit plus à la tombée de la nuit. Comprenez-vous ? Et puis... » se rengorgea-t-elle avec un sourire aimable. « Nous avons prévu un petit repas à votre intention. » Le regard d'Ophélie voltait de sa mère à son fiancé. Un petit repas. C'était un joli euphémisme. Elle avait réquisitionné la grange de l'oncle Hubert pour son banquet pantagruélique. Orchestrer la saignée de trois cochons, passer une commande de feu de Bengale chez le droguiste, empaqueter plusieurs kilos de dragées, programmer un bal costumé jusqu'à l'aube. Roselyne, la tante et marraine d'Ophélie, était en train d'achever les préparatifs à cet instant même. « Ça ne saurait attendre, » déclara Thorn. « De toute façon, je n'ai pas faim. »« Je comprends, fils, » approuva soudain la doyenne avec un sourire fripé. « Il faut ce qu'il faut !» Ophélie sourcilla derrière ses lunettes. Elle, en revanche, ne comprenait pas. À quoi rimait donc ce comportement ? Thorn se montrait tellement grossier qu'il la faisait passer pour un modèle de bonne manière. Il frappa du poing le petit rectangle de verre derrière lui qui séparait le conducteur de son équipage. Le véhicule freina net. « Monsieur ?» demanda le cocher dont le nez s'était collé à la vitre. « Chez Madame Artémis !» ordonna Thorn avec son accent dur. À travers la vitre arrière, le cocher interrogea du regard la mère d'Ophélie. La stupeur l'avait rendue pâle comme une morte et arrachait à sa lèvre un léger tremblement. « Conduis-nous à l'observatoire !» dit-elle enfin, les mâchoires contractées. Se cramponnant à la poignée de sa banquette, Ophélie sentit le véhicule opérer un demi-tour pour remonter la pente qu'il dévalait un instant plus tôt. Au dehors, des cris de protestation accueillirent la manœuvre. C'étaient les autres fiacres de la famille. « Quelle épingle vous pique ?» s'égosilla la tante Mathilde à travers une portière. La mère d'Ophélie baissa sa vitre. « Nous montons à l'observatoire !» dit-elle. « Comment donc ?» s'offusqua l'oncle Hubert. « À 7 heures ? Et les agapes ? Et les réjouissances ? On gargouille de partout, nous autres !» Mangez sans nous, festoyez de votre côté et rentrez tous vous coucher !» déclara la mère. Elle referma sa vitre pour couper court au scandale et signala au cocher, qui avait de nouveau collé sa figure hésitante contre la vitre arrière, qu'il pouvait reprendre sa course. Ophélie mordit dans son écharpe pour s'empêcher de sourire. Cet homme du Nord venait de froisser mortellement sa mère, tout bien pesé. Il dépassait ses espérances. Pendant que leur voiture se remettait en route sous le regard sidéré de la famille, au dehors, Thorn s'appuya à la vitre, concentré uniquement sur la pluie. Il ne semblait plus guère disposé à poursuivre la conversation avec la mère et moins encore à l'engager avec la fille. Ses yeux, effilés comme des éclats de métal, n'effleurèrent pas un instant cette demoiselle qu'il était censé courtiser. D'un geste satisfait, Ophélie repoussa une mèche dégoulinante qui lui collait au nez. Si Thorne ne jugeait pas nécessaire de déployer des efforts pour lui plaire, il y avait quelque chance pour qu'il n'en espérât pas non plus en retour. Au train où allaient les choses, les fiançailles seraient rompues avant minuit. La bouche pincée, la mère ne se donna plus la peine de combler les silences. Ses yeux brillaient de colère dans la pénombre du fiacre. La doyenne souffla sur la lanterne et se rendormit sur un soupir, enveloppée dans sa grande mantille noire. Le trajet promettait d'être lent. Le fiacre emprunta une route, mal pavée, à flanc de montagne, qui dessinait des lacets en tête d'épingle. Barbouillée par les cahots, Ophélie se concentrait sur le paysage. Elle fut d'abord du mauvais côté de la voiture et ne rencontra qu'une roche accidentée où bourgeonnaient les premières neiges. Un virage plus loin, sa vue dégringola dans le vide. La pluie avait cessé, balayée par un vent d'ouest. Cette éclaircie avait soufflé entre les nuages une poussière d'étoiles, mais en bas, au creux de la vallée, le ciel rougeoyait encore dans le crépuscule. Les forêts de châtaigniers et de mélèzes avaient cédé la place aux sapins dont le parfum résineux envahissait le cocher. À la faveur de la pénombre, Ophélie reporta une attention plus franche sur la silhouette cassée en trois de Thorne. La nuit avait déposé une lueur bleutée sur ses paupières closes. Ophélie remarqua une autre cicatrice qui lui fendait le sourcil et jetait sur sa joue un éclat blanc. Cet homme serait donc bien un chasseur, en fin de compte. Il était sans doute un peu maigre, mais elle lui avait trouvé le même regard dur que les modèles d'Augustus. Secouée par les soubresauts de la voiture, elle l'aurait cru endormi, n'eût été le pli contrarié qui lui creusait le front et le pianotage nerveux de ses doigts sur sa valise. Elle se détourna lorsque les paupières de Thorne laissèrent soudain filtrer une étincelle grise. Le cocher avait freiné. « L'observatoire !» annonça-t-il.